appel urgent de Children's Health Defense. Pas de vaccin obligatoire contre la COVID-19 pour les enfants et les jeunes adultes. Selon Children's Health Defense, il est urgent d'agir. Les lanceurs d'alerte qui mettent en garde la vaccination des enfants, des adolescents et des adultes contre la COVID-19 sont par mesure de précaution de plus en plus souvent censurés et diffamés sur différentes plateformes et réseaux sociaux. Il est donc d'autant plus urgent de lutter activement contre ce phénomène par le dévoilement des faits. Une mise en garde de la vaccination contre la COVID-19 s'impose immédiatement avant que les écoles et les universités n'ouvrent leurs portes après les vacances d'été. Ces institutions publiques doivent être informées dans le monde entier. Il faudrait leur expliquer clairement quelles responsabilités ils doivent assumer en tant qu'institutions s'ils ne font pas de mise en garde contre les dommages consécutifs déjà connus causés par une vaccination contre la COVID-19. C'est pourquoi Children's Health Defense, en abrégé CHD, a lancé une campagne visant à faire passer ce message dans les écoles et les universités. Pas de vaccination contre la COVID pour les enfants et les jeunes adultes. La proposition suivante de Children's Health Defense, en abrégé CHD, est un modèle d'information, de faits et d'avertissement pour les lettres et les courriels adressés aux écoles et aux universités qui peuvent être utilisés de diverses manières. Le 23 juin, l'Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP, a déclaré qu'il existait probablement un lien entre l'inflammation cardiaque et les vaccins contre la COVID de Pfizer et Moderna. Les responsables du CDC ont confirmé plus de 1200 cas de myocardite ou de péricardite chez des jeunes de 16 à 24 ans qui avaient reçu un vaccin contre la COVID à ARN messager. La Food and Drug Administration des États-Unis, FDA, a réagi en recommandant l'ajout d'étiquettes d'avertissement sur les vaccins. Néanmoins, les responsables du CDC ont déclaré que les avantages des vaccins contre la COVID l'emportaient sur les risques. Children's Health Defense, CHD, demande à chacun d'exercer son droit à l'autodétermination en faveur de la santé personnelle en matière d'administration des médicaments. La CHD demande également à tous ceux qui se soucient de la liberté de choix en matière de traitement médical d'écrire ou d'envoyer un courriel à toutes les écoles et universités de leur État ou de leur pays pour leur demander de soutenir la liberté de choix en matière de traitement médical en rejetant les vaccinations obligatoires contre la COVID-19 pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. La CHD a également produit des tableaux contenant une liste de plus de 300 universités qui envisagent de rendre la vaccination obligatoire. Le premier tableau est une liste des systèmes universitaires avec des liens vers les politiques de la vaccination, etc. Le deuxième tableau contient des informations sur les courriels et les envois à plus de 300 universités individuelles. Vous pouvez également consulter cette page sur le site web de la CHD pour en savoir plus sur cette campagne. Le CHD demande à la FDA de retirer du marché les vaccins contre la COVID. Écoutez le commentaire de Laura Bonneau, directrice exécutive de Children's Health Defense. Les responsables des écoles et des universités ne devraient pas être autorisés à prescrire des procédures médicales, y compris des vaccinations. Dans le cas du vaccin COVID-19, les effets à long terme de ce vaccin expérimental sur les personnes de tous âges sont inconnus. La politique est sans égard pour autrui et agit sans justification. Laura Bonneau fait référence à un récent OPED du Wall Street Journal, écrit par deux médecins qui expliquent « Les autorités sanitaires commettent une erreur et risquent de mettre en péril la confiance du public en n'informant pas les gens de la possibilité de dommages liés à certains effets secondaires du vaccin. » Mélanger la politique partisane et la science pour faire face à une crise de santé publique aura des conséquences durables. Il n'y a pas de temps à perdre, car il est déjà envisagé de donner aux écoles et aux universités le pouvoir d'imposer la vaccination obligatoire contre la COVID-19. Il est encore temps de changer l'agenda politique. Veuillez soutenir ces efforts.